the 12th of November, 1954. Dear boys and girls, thank you very much for your interest in the matter. Я понимаю, что вы все сидите у себя дома, а я здесь еще не совсем опьянел от выпитого. Я, пожалуй, спою вам песню. Элизабет! Элизабет! Ой, я canto al amor por ti, a jubilá, a jubilá, tu encanto dicha me dará, a jubilá. Ashubira, y es tanto mi amor y fe, Ashubiru, Ashubira, que yo canto de felicidad, Ashubiru, Ashubira, Ashubira, feliz, feliz, feliz, feliz, feliz, su beso nada más me quiebra, con todo mi amor te besaré. Hoy yo canto al amor por ti, a Shubiru, a Shubira, tu encanto ya me dará, a Shubiru, a Shubira, y es tanto mi amor, fe, a Shubiru, a Shubira, que yo canto de felicidad, a Shubiru, a Shubira, a Shubira. Toilet, men's lama's toilet. Thank you. Я с удовольствием вспоминаю свое пребывание в вашей стране летом этого года, свое знакомство с вашими прекрасными городами. Un bouquet de soleil dans le ciel. Ça donne à l'air. faire les fêtes tous les jours dans la rue. Quand ça va mal, quand ton cœur fait l'ombrage, viens dans ma ville, viens dans ma rue. Qui sait, peut-être un jour tu trouveras dans ma rue un amour fait pour toi. Y'a des chansons et du linge aux fenêtres, viens dans ma ville, viens dans ma rue. Ça claque au vent quand pour un jour de fête, viens dans ma ville, viens dans ma rue. Y'a des enfants qui attrapent dans ma rue le soleil pour t'en mettre plein la vue. Font des sons et lumières, mais ils vont les pieds nus. Ils seront fiers de te faire un cortège, viens dans ma ville, viens dans ma rue. Peut-être un jour avec eux tu verras dans ma rue celle qui t'attend déjà. Ça fait longtemps qu'elle attend que tu viennes, viens dans ma ville, viens dans ma rue. Ça fait des jours longs comme des semaines, viens dans ma ville, viens dans ma rue. Et cette fille comme une enfant perdue, elle t'aime chaque jour un peu plus. Elle pleure à sa fenêtre quand on danse dans la rue. Danse avec elle comme tous les gens qui s'aiment, viens dans ma ville, viens dans ma rue. Alors peut-être en dansant tu verras que cette fille qui t'aimait c'était moi. Danse avec moi puisque c'est toi que j'aime, viens dans ma ville, viens dans ma rue. Et je suis sûre qu'en dansant tu verras que cette fille qui t'aime c'est bien moi. No.